Bigoter, ça, tu viens. Pas tout, mais ça va. Tout ça, m'y comprend pas. La toi, wati, watia. Tout le wati, watia. Tout le wati, watia. Oh, qu'il est où la camp? Oh, qu'il est où mon frère? Où la cantine, vois moi les misères. Oh, qu'il est où la dent, oh, qu'il est où mon frère. Oh, qu'il est où la cantine, vois moi les misères. Les trois n'a point rien, tout immense douleur. Des fois, tu demandes, maman, pourquoi à moi il plaît à Carina point pour le cœur, Carina point pour le cœur, Carina point pour le cœur. Oh, qu'il est où la dent, oh, qu'il est où le bonheur. Oh, qu'il est où la dent, oh, qu'il est où bonheur. Oh, qu'il est où la dent, oh, mangez pour les guerres. Pas l'espoir, tout le temps soleil levé. L'oiseau, la santé, moins si, moins va santé. Même le dire à ma santé, si le dire à ma santé, même le dire à ma santé. Oh, qu'il est où là-dedans, oh, qu'il est où mon frère. La cantine, vois moi les misères. Oh, qu'il est où la dent, oh, qu'il est où bonheur. Oh, qu'il est où la dent, oh, mangez pour les cœurs. Oh, qu'il est où la dent.